Reliqué, on était quatre, élite suite dans classe 1. Défaussé, on était hot, tu connais ça parle, pas ça tarde grave. C'est bel à qui tu parles, crac, ça t'attend dans ton bras, ça te met du béton dans ton pare-bras. Trop de béton, tu le béton, trop de mythos, trop de pédales. Peu de braga, beaucoup de douille, trop de pétards. À part ça, tous les jours sur le terrain, comme hasard, toi tu parles, moi je fais le sourd, je t'analyse comme Lazare. Check de moi, meurs à feu, un mini moi. Là, je suis pas d'humeur, photo a pris 10 mois. J'ai 3 millions de côté et encore t'es le minimum. Personne m'a aidé, gros t'as pas idée. Si tu voyais les choses comme moi, t'irais te suicider. On veut la qualité avant la quantité. Pas 20 minutes en bas de chez moi, les là la réalité, poto. Ouais c'est nous, j'ai le brasseur. Ah ouais maintenant ça fait les casseurs. Après toutes ces années de placard, mes potes sont sortis fiers. J'ai délaissé la stupe pour bicra sur 10 heures. Mais j'oublie pas c'est quoi de charbonner vers 10 heures. La CC tous dans mon viseur. Les petits ils sont vicieux, ils savent très bien comment viser. Tu sors sous contrôle judiciaire. Ceux qui ont pas fermé leur gueule vont voir la mort sous la visière. Ça parle de monter une équipe, compter du liquide. Les mecs chez moi ils ont perdu 2-3 rafales et on est quitte. T'es pris de vitesse, tu sais plus comment en faire. Mental de ma caisse, mais plus celle de mon grand frère. Ouais c'est nous, c'est le brasseur. Ah ouais maintenant ça fait les casseurs. Tu sais plus comment faire.